I'm going to go to the je trace une ligne de basse là dessus là et puis je peux être délié, mais vas-y lance, ça devrait y aller. Oh là là, on entend les enfants. Loulalalala. 1, 2, vas-y, lance. Oh, mes enfants. Si tu veux, je trace une ligne de basse là dessus là et puis vas-y lance. Oh là là, on entend les enfants. Si tu veux, je lance un. Merde. Si tu veux, je lance un beat. Je sais pas trop. Je choisis un beat au hasard sur sur Logic Pro. Puis on voit. On est sur du 90. Tempo 4. Si tu veux, je lance un. Je choisis un beat au hasard sur Logic Pro. Puis on voit, hein. On reste sur du 90. Tempo 4. Thank you. c'est un si bémol, mais apparemment ça a l'air d'être aussi. Yeah.